Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Et merci d'être avec nous en ce beau samedi ensoleillé. Nous avons avec vous une émission vraiment intéressante, puisque c'est des conséquences du Salon du Livre récemment à Québec. En déambulant dans les kiosques, pour ceux qui connaissent, eh bien, je me suis enfargé dans le kiosque des éditeurs d'éco-société parce qu'il y avait tellement de monde. Je me demandais qui était assis à la table en train de faire des dédicaces. Eh bien, c'était Roméo Bouchard, devant son dernier opus « Survivre à l'offensive des riches ». Et il y avait juste à côté de lui Dominique Lamontagne aussi, de la Ferme impossible, toujours aux éditions Éco-Société. Et donc, nous aurons, pour ceux qui connaissent l'émission du jeudi matin, le 8e continent, nous aurons Dominique Lamontagne qui nous parlera de la Ferme impossible. Et nous aurons aussi Roméo Bouchard, qu'on abordera évidemment des thèmes différents, mais aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas si vous allez faire le lien avec nous, mais Roméo Bouchard, en lisant votre livre, qui est un bon résumé de 200 pages de votre carrière, vous savez, beaucoup de gens vous connaissent, Roméo Bouchard, comme étant un journaliste, un agriculteur bio, fondateur ou en fait ancien président de l'Union paysanne. Enseignant, vous avez publié plusieurs livres, Roméo Bouchard aux éditions Éco-Société, Plaidoyer pour une agriculture paysanne, on en a déjà parlé au 8e continent, l'émission En toute simplicité aussi que j'animais. On a parlé aussi avec vous, Y a-t-il un avenir pour les régions, La reconquête du Québec et Les champs de bataille, toutes des titres que vous avez lancés aux éditions Éco-Société. Mais là, vraiment, ce livre de 200 pages, Survivre à l'offensive des riches, est vraiment moi, ce que j'ai trouvé le plus proche. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Roméo Bouchard, bienvenue avec nous. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais Loué sois-tu, l'encyclique du pape François, il y a quand même certains liens. C'est un ouvrage tellement qui ratisse large. Et juste pour mettre dans l'ambiance, Roméo, je veux citer quelques pages. Nous savons que nous sommes en péril, que nous sommes en train de détruire notre environnement. Nous n'avons plus besoin de preuves. Inutile de faire semblant de l'ignorer. Il faut agir rapidement. Pour nous, nos jeunes, le monde, la planète, ce guide de survie essaie de faire le point sur la situation et sur le travail à faire pour nous en sortir. Et pourquoi un tel livre, monsieur? Vous êtes quand même un jeune engagé, un jeune prodige de 80 ans. Oui, justement. C'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est un condensé de beaucoup des luttes à laquelle j'ai participé au cours des 50 dernières années, à commencer par la Révolution tranquille, jusqu'à la lutte aujourd'hui contre l'oléoduc NRJS. Mais pourquoi faire ce résumé-là? Parce que je sens qu'on est arrivé à un espèce de point de bascule de toutes ces luttes-là et de toute l'offensive du pouvoir dominant contre lequel on a mené ces luttes-là. C'est-à-dire que d'un côté, l'offensive des riches, c'est-à-dire des banquiers, des multinationales, des grands actionnaires de compagnies, a atteint un point culminant progressivement, ils ont mis en place toutes sortes de mécanismes qui leur permettaient de contrôler l'ensemble des marchés, les Et maintenant, ils en sont à contrôler les États. Non seulement ils contrôlent le monde, ils contrôlent les gens, ils contrôlent le commerce, ils contrôlent l'argent, mais maintenant, ils s'organisent pour contrôler l'État. Donc, le seul outil qu'ont les citoyens pour mettre des barrières où il faut en mettre pour préserver le bien commun. Alors, les politiques d'austérité, c'est ça, dans le fond, c'est la dernière attaque contre l'État. Et on peut dire qu'aussi les derniers développements des grandes multinationales, les derniers pactes de libre-échange sont aussi des moyens ultimes pour boucler la boucle, de sorte qu'on n'ait plus aucune possibilité de sortir de l'étau dans lequel ils nous ont enfermés en nous vendant leurs produits, en s'organisant pour qu'on les achète, en nous prêtant l'argent pour qu'on les achète, et donc en nous soumettant, en nous travaillant l'imaginaire même et nos désirs pour qu'on croit, par exemple, qu'on pourra pas être heureux dans les prochaines années si on n'a pas des autos qui se conduisent tout seuls, si on n'a pas tous ces robots-là qui vont se promener dans nos maisons. Donc, on est fait à l'os actuellement. Et non seulement on est fait, mais la planète est faite. Parce que ce système-là, en plus d'enrichir constamment une poignée de gens, est en train de détruire la planète parce que le pouvoir économique cherche l'enrichissement de ses maîtres sans se soucier des dommages collatéraux pour la planète et pour les humains qui y vivent. Alors c'est ça un peu le portrait que je fais là-dedans, dans toute la première partie, et dans la deuxième, j'essaie de voir comment on peut réagir à ça. J'appelle pas ça des solutions parce que je pense qu'il y en a pas de solutions dans le système politique actuel, il y en a pas. Mais au moins comment, à quoi il faut se préparer et quelles sont les alternatives qu'il faut commencer à développer si on veut survivre dans un environnement qui va devenir de plus en plus hostile. Oui, d'ailleurs, quand on regarde la table des matières, ça vaut la peine d'énumérer juste le titre de chacun des petits textes que vous commettez dans ce « Survivre à l'offensive des riches ». D'ailleurs, je vois un lien aussi avec Hervé Kempf qui nous avait fait un livre il y a quelques années que les riches détruisent la planète. Mais dans votre première partie que vous appelez « Le piège de la croissance économique », vous avez « Le piège caché sous les feuilles » comme titre, « Un consentement fabriqué par les riches ou la dépendance à la consommation. » Et d'ailleurs, dans le piège caché sous les riches, vous donnez l'impression que nous sommes emportés malgré nous dans un train fou, que tout est en péril. Le Québec, notre pays, la planète, notre maison commune, tout nous échappe. C'est pour ça que je faisais un lien avec l'audate aussi du pape François. La démocratie se réduit au droit de vote tous les 4 ans. Nos représentants politiques sont désormais totalement asservis au pouvoir économique et financier. Le discours des dirigeants sur l'austérité a si bien fait son chemin dans la tête des citoyens, c'est vrai que c'est comme imprégné dans notre ADN, que plus rien ne peut lui résister. Les banques privées contrôlent les finances publiques. La course au pétrole n'a jamais été aussi effrénée. Nous sommes attaqués sur tous les fronts à la fois, individuellement, collectivement, localement, mondialement. Tout se dégrade devant nos yeux. L'État, le système de santé, l'éducation, le français, les régions éloignées, le pays en développement, l'eau, en fait... Vraiment, tout est en péril, Roméo Bouchard. Oh oui, je pense que c'est global. La crise planétaire, elle est planétaire, elle est globale, elle touche tous les secteurs de notre vie, de notre société. Et là-dessus, ça c'est un point majeur dans le développement que je fais, c'est que les scientifiques, pour une fois, sont à peu près tous d'accord que c'est très grave, que la crise est sérieuse, que l'effondrement du système, le point de bascule du système, c'est pas pour dans 200 ans, ni dans 1000 ans, c'est pour dans quelques années, 25-30 ans peut-être. On peut pas être absolument précis, mais il y a toutes sortes de raisons que les scientifiques énumèrent pour lesquelles on approche à un point de bascule où il y a toutes sortes de phénomènes qui vont se déclencher, qui vont accélérer considérablement les choses. C'est comme la modification des courants de l'océan qui peut complètement modifier le climat, la fonte du pergénisol, la perte des puits de carbone qui étaient, par exemple, les forêts d'Amazonie, ainsi de suite. Il y a plein de d'accélérateurs qui risquent de se déclencher avec l'augmentation du réchauffement de la planète, que tous les scientifiques sont d'accord d'ailleurs qu'avec les, même si les États appliquaient les mesures qui ont été mises de l'avant à Paris, on ne respectera pas le plafond de 2 degrés de réchauffement. On va aller plutôt vers 3.5 et même 4 degrés d'ici les 2050-2100. Alors ça, c'est catastrophique, carrément catastrophique. Donc les scientifiques sont d'accord et même les organismes internationaux privés sont d'accord et on ne prend pas encore la chose vraiment au sérieux. Ni nous, ni les politiciens. Et on se dit que ça va s'arranger, qu'il va y avoir des inventions, des technologies. Alors, c'est particulièrement inquiétant. Oui, et vous avez raison de dire que ça là, c'est un travail qui a quelque chose de commun avec l'encyclique de du pape François, Laudate Si. Oui. Je l'ai lu, je la cite à quelques reprises. Ah oui, c'est ça, on voit que ça délire. Cette encyclique-là est un ouvrage très global qui fait le point sur l'ensemble des consensus au niveau de la crise planétaire. Oui, d'ailleurs, dans la revue Relations, en kiosque à l'heure actuelle, celle d'avril 2016, titrée « La résistance impératif de notre temps », dans le cadre de cette trilogie-là célébrant le 75e anniversaire de la revue Relations sur le thème « Pour une société juste », il y a un texte très intéressant sur Laudato Si, « Vers une écologie radicale ». On dit que l'encyclique Laudato Si du pape François, paru en juin 2015, a été applaudie par un grand nombre de militants écologistes et d'intellectuels dont vous êtes, Roméo Bouchard, parmi les plus respectés de tout horizon. D'ailleurs, je me souviens d'avoir eu David Suzuki ici. Oui. Et pour lui, le plus grand écrit, le plus marquant du dernier siècle, c'était Laudato Si, alors qu'il n'est pas catholique et il n'est pas... je veux dire, très, très familier avec les écrits du pape, mais il était d'accord que oui, c'est un genre d'écrit qui peut changer le monde, tout comme le vôtre, d'ailleurs, au Québec. Vous êtes notre pape laïque. Oh, j'ai pas cette prétention. Tous reconnaissent qu'elle constitue, là, cette encyclique, un puissant appel à s'engager collectivement dans un changement radical de société. Et donc, 3 membres du comité de rédaction, Jonathan Durand-Folco, Elisabeth Garand et Louis Rousseau, se sont commis à commenter, un peu comme vous l'avez fait, cet écrit, et on voit un lien justement avec l'action catholique. C'est un peu de votre temps, c'est de voir, ouais, juger, agir. Vous nous faites voir les problèmes, le péril à la demeure, à la maison commune. Vous jugez beaucoup dans ce livre et vous nous portez vers l'action. Mais par exemple, comment expliquez-nous ce consentement fabriqué par les riches ou la dépendance à la consommation là, dans cette conspiration des puissants et des riches contre le peuple? Oui, ben ça c'est, je pense que on n'a pas beaucoup à la démontrer. Les gens s'en rendent globalement, les gens s'en rendent compte. Maintenant, quand on se met à analyser ça, il y a des techniques extrêmement sophistiquées qui sont mises en œuvre par les entreprises, les banques, pour produire cette dépendance-là de la consommation. Entre autres, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée des produits, c'est-à-dire qu'on s'arrange qu'on est continuellement à acheter de nouveaux produits. Ensuite, il y a le fait que toute la science du marketing qui est arrivée à des points de sophistication incroyables, fait en sorte qu'on ne vend plus des produits. On ne fabrique d'ailleurs plus des produits pour répondre vraiment à des besoins réels, où le besoin est parfois très, très, très, très secondaire. On vend un statut, on vend un concept aux gens, on vend une situation, une compétition avec les autres, de sorte qu'on est tous vulnérables à ces appâts-là qui nous sont continuellement servis dans la publicité, à la télévision, sur les médias virtuels, sur les routes, partout, t'sais, dans les magasins. C'est omniprésent, la publicité et le marketing. C'est absolument diabolique moi, je pense que dans une société qui veut sortir de la croissance à tout prix, une des lois majeures à faire, c'est le contrôle de la publicité. Oui, d'ailleurs. C'est à la racine de tout ce besoin qu'ont les gens d'acheter, de s'endetter pour acheter. Et c'est absolument infernal comme processus. Ben oui, d'ailleurs, j'aime bien vous citer encore dans votre livre, la société de consommation inventée pour permettre aux grands patrons et à leurs actionnaires de faire le plus d'argent possible en vendant toujours plus de produits et de services, évidemment avec la publicité, comme vous le dites, opère à la façon d'un vaste filet qui emprisonne nos vies et nos esprits. La servitude de la consommation entraîne la servitude du travail et celle de l'esprit. Je salue tous mes amis simplistères qui travaillent 4 jours semaine seulement. Appelons ça le système capitaliste, néolibéral, productiviste, consumériste. Mais c'est grâce à qui, à quoi tout ça, là? C'est grâce à l'argent. Moi, je pense que c'est le capitalisme. Ça nous a pris du temps à voir jusqu'où ça pouvait aller. Mais là, on est rendu aux conséquences ultimes du le système, la base même du capitalisme. Je résume ça souvent par une petite parabole. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques SMAT qui ont dit, se sont mis à dire aux gens, plutôt que vous arrachez le cœur à produire votre nourriture, à produire vos affaires, on va les produire pour vous autres. Et on va pouvoir les produire mieux, puis faire ça à moindre coût, et puis vous nous l'achèterez. Puis pour que vous puissiez nous l'acheter, on va vous employer pour le produire. Et on va vous donner un salaire qui est raisonnable, mais qui nous permet évidemment de nous payer nous autres pour ce qu'on va faire. Ça... Alors, la boucle est bouclée, tu sais. Ces gens-là ont trouvé qu'ils pouvaient faire de l'argent en nous vendant, en produisant les choses à notre place et en nous les vendant. Ça, plus ça change, plus c'est pareil. Et en nous prêtant l'argent pour les acheter. Plus ça change, plus c'est pareil. Moi, je me souviens des camps de bûcherons dans le temps de la compagnie Price, là, nos fameux amis de la famille Price, qui avaient leur propre magasin général. Alors, ils payaient leurs employés avec des pitons, avec leur propre argent. Les jetons qui pouvaient être gaspillés ou investis, ou en tout cas dépensés juste dans les magasins du propriétaire. Les Gaspésiens, pendant 2 siècles quasiment, ont survécu avec ce système-là, des robins, des grands maîtres de la pêche. Ça, c'est dans votre coin. Mais là, juste pour faire un lien dans un autre chapitre de votre livre, « Survivre à l'offensive des riches », Roméo Bouchard, vous dites « Et si la fête était finie, la croissance tire à sa fin », vous croyez? Vous donnez beaucoup d'arguments, là. Vous nous aidez à convaincre les gens que le party est quasiment fini, là. Oui, oui. Et là, c'est là que vient l'importance du discours scientifique actuellement. C'est que 95% des scientifiques sérieux là sont d'accord sur le réchauffement de la planète et sur les facteurs fondamentaux qui le déterminent en ce moment. Donc, et puis à ça s'est ajouté l'ONU, dans les scientifiques, évidemment, il y a toutes les études du GIEC, là, oui. Mais aussi la Banque mondiale, aussi la Banque européenne, aussi la Fondation Rockefeller, aussi. Et donc, actuellement, c'est même les gens qui investissent dans le pétrole commencent à penser qu'il va falloir qu'ils sécurisent leurs investissements, que c'est un investissement de moins en moins sur le pétrole, tu sais, parce que on est de plus en plus dans le pétrole comme dans la plupart des ressources importantes. On est rendu, on a dépassé le pic des ressources conventionnelles qu'on appelle facilement exploitables et très rentables à exploiter. Là, on entre dans des gisements qui sont beaucoup plus loin, beaucoup moins concentrés, qui exigent beaucoup plus d'énergie pour les sortir, donc beaucoup moins profitables. Ça, c'est le cas des sables bitumineux, du pétrole des sables bitumineux, où il faut pour produire 3 à 4 barils de pétrole, il faut en dépenser un. Alors que dans le pétrole conventionnel, on avait jusqu'à des rendements de 50 pour un. Ah oui. T'sais? Et c'est comme ça pour les métaux, pour le fer, c'est comme ça pour le lithium qui est dans les batteries de toutes les machines électriques qu'on invente, là. C'est le char électrique, l'auto électrique, là, ça règle pas tous les problèmes, là, ça, là. C'est pas un courant d'air, ces autos-là. Là. Oui, Dominique Bernier nous en a déjà parlé ici. Là. Elle nous en a déjà parlé de la voiture électrique. C'est une fausse solution à un vrai problème. Ah oui, tout à fait, c'est clair. Alors, c'est comme ça, d'ailleurs, à peu près toutes les technologies qu'on nous oppose pour dire qu'on va trouver moyen de régler le problème. Quand on les analyse toutes une après l'autre, on se rend toutes compte. On se rend compte que dans tous les cas, la croissance exponentielle, l'augmentation exponentielle de l'usage dans un contexte d'une planète limitée nous mène toujours à un point d'effondrement, un point de bascule. T'sais. Oui, d'ailleurs, j'ai souvent entendu que c'était 2050, la date magique, quand on entendait les Uber Reeves de ce monde, David Suzuki, mais vous ramenez ça à 2030, là, il nous reste juste 15 ans avant l'effondrement. Parce que Jacques, mon fils... Depuis les années 72 du Club de Rome, donc le rapport Meadows, qui est sorti en 1972 et qui a été remis à jour en 2012. Oui, les limites à la croissance. Voilà. Dennis et Donala Meadows. Dans les années 2000. Là, 2012, oui. Et qui s'est avéré que les prévisions qui avaient été faites se vérifiaient toutes et même qu'elles se vérifiaient plus rapidement. Que le moment de dépassement des ressources des limites de la planète qui avait été prévu pour les années 2020 à peu près, en 1972, en fait, c'est produit dans les années 90. Et que le moment de bascule, de dépassement, se produirait alors 2025-2030. Ça produirait, ça veut pas dire tout d'un bloc, là, mais on en verrait le déclenchement dans ces années-là. Évidemment, il y en a qui étirent ça un peu. Il y a personne là-dessus qui peut faire des prédictions à une année près. Ni on ne sait pas non plus très bien quel va être le phénomène qui le premier va déclencher les autres. Est-ce que ça va être les inégalités sociales qui augmentent? Est-ce que ça va être la pénurie d'eau potable, la pénurie de denrées alimentaires, parce que la population continue d'augmenter, là. Elle a plus que triplé depuis que je suis au monde, moi. Et puis, en 2050, on prévoit presque 10 milliards, et en 2100, 27 milliards. Oui. Si les choses continuaient comme elles sont. Oui. Alors, c'est certain qu'au niveau de la nourriture, on va avoir de sérieux problèmes, surtout si la sécheresse s'installe, si l'eau potable manque, si les maladies augmentent à cause d'une plus grande chaleur, ainsi de suite. Donc, tous ces phénomènes-là sont interconnectés. Et à tel endroit, ça peut être telle chose qui va provoquer Là, on vit les feux de forêt et les grandes sécheresses au centre de l'Amérique, au centre de l'Afrique. On s'aperçoit que ça peut vite devenir assez catastrophique. On peut pas prévoir exactement l'ordre, l'agenda de la détérioration, mais on est sûr qu'il va y en avoir une. T'sais. Roméo Bouchard, avant de vous laisser à d'autres occupations, peut-être que vous avez un jardin biologique à vous occuper. Oui, je suis là-dedans. C'est sûr, je ne vais pas trop vous retarder, mais déjà en studio, nous avons Dominique Bernier et Jean-Pierre Gay, qui sont des spécialistes d'OGM. Je vais vouloir vous parler de ça avant que vous quittiez, mais quand même, en troisième partie, quatrième partie de votre livre, vous voulez qu'on survive. C'est désormais une question de survie pour les humains. Mais que peut-on faire pour éviter l'effondrement de notre civilisation ou lui survivre? Vous proposez le bien-vivre. Moi, je suis bien d'accord avec ça, surtout s'il est simplicitaire. Le bien-vivre, vous donnez comme exemple les constitutions bolivariennes de la Bolivie, de l'Équateur et du Venezuela. Donc, pour vous, la solution puis l'action, c'est d'écrire une constitution du Québec pour sauver le Québec? Ben, c'est-à-dire, c'est pas magique, là, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de solution si on ne change pas la façon dont se prennent les décisions collectives actuellement. Parce qu'actuellement, les décisions collectives sont contrôlées à peu près complètement, dans l'essentiel, par le pouvoir des riches. Alors, à ce moment-là, eux, ils ne sont pas intéressés à ralentir leur enrichissement pour préserver la planète. Ils vont saigner la planète jusqu'à la dernière goutte de sang pourvu que ça leur rapporte. Ça, c'est clair et net, on le sait. Donc, si on ne s'attaque pas à une restauration de la démocratie, à une restauration du pouvoir des citoyens sur les décisions collectives, on est mieux on est dans un sauve-qui-peut. On est mieux d'essayer de se préserver le mieux qu'on pourra, et on sait déjà d'avance que ce sont les riches qui vont s'en tirer le mieux quand va arriver la... Ça semble clair quand on lit votre livre que là, on accuse vraiment les riches, là, puis on a le goût de les pendre haut et court. Donc, il faut s'attaquer à ça, et il faut... la seule façon de changer un régime politique, c'est d'écrire une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Là? Vous parlez des 10 commandements de la démocratie, l'égalité, liberté, souveraineté, constitution. Ben, l'essentiel, c'est de prévoir des institutions dans lesquelles les citoyens vont pouvoir avoir une prise sur les décisions, pas seulement à tous les 4 ans, dans un système électoral qui est extrêmement, de toute façon, imparfait et contrôlé actuellement, mais en permanence et de façon contraignante. Donc, à quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on vit en ce moment, où on ne contrôle même pas les élections toutes les 4 ans, puis entre deux élections, on n'a aucun mécanisme qui nous permet d'intervenir sur les décisions de façon contraignante en permanence. Manifester, on le sait, aujourd'hui, ça donne plus grand-chose. Les pétitions, encore moins. Attendez, on va parler d'OGM. Là. Ça vaut pas la peine, là, Jean-Pierre. Il vient ici pour nous parler d'une marche contre Monsanto, les OGM, le 21 mai. Vous dites aux gens de pas aller. Écoutez, là, non, ça va pas. Il faut le faire, mais on sait qu'on a très peu de pouvoir avec ça. Jean-Pierre, penses-tu que tu peux changer le monde, toi, avec une manifestation? Non, je suis quand même réaliste là. Je suis d'accord avec Monsieur Bouchard. C'est pas une manifestation qui va changer les choses. Ça fait partie d'un processus où ce qu'on essaie de sensibiliser, créer une vague de fond, créer des campagnes, tout ça. Mais je suis quand même d'accord avec Monsieur Bouchard. Ah, bon, on va l'inviter, Monsieur Bouchard. Je sais que vous êtes très occupé. On ira vous aider à votre jardin d'ailleurs. Moi, j'ai le goût de faire ça. Jean-Pierre, invite Monsieur Bouchard. C'est quand la marche là? Sous-estimer les actions comme ça, mais c'est qu'on est tous conscients que ces actions-là se butent à des refus au niveau du pouvoir. Tu sais, comme justement sur les OGM, c'est évident que le ministre Paradis l'a dit lui-même malencontreusement il y a quelques mois. Monsanto, c'est plus fort que le gouvernement du Québec. Ah oui. Oui. Maintenant, c'est sûr qu'il faut grignoter. Il faut grignoter les décisions. Il faut bâtir un pouvoir de négociation, mais on sait très bien que tant qu'on n'aura pas attaqué les institutions et les modifié, tant qu'on ne réécrira pas les règles du jeu, on ne fera pas de gain important, de gain global, de gain majeur. Ça, c'est certain. Puis la Constitution, c'est un outil pour changer les institutions, Et c'est un outil pour énoncer un nouveau contrat social, énoncer des valeurs communes qu'on veut voir appliquer dans l'économie, dans la santé, dans l'éducation, parce que la Constitution toute seule ne change pas la société d'un seul coup. Tu sais, on le voit par exemple en Suisse où ils ont des institutions politiques extrêmement plus démocratiques que les nôtres, où les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir d'influencer les décisions. Il reste que l'économie bancaire continue à faire un contre-pouvoir qui souvent vient annuler des gains que les citoyens ont fait dans les initiatives populaires ou dans les référendums. Monsieur Bouchard, est-ce que je me trompe ou la Constitution, c'est pas aussi un moyen d'éducation populaire assez efficace, comme ça a été le cas, par exemple, par le processus de constituante au Venezuela? Si on se rappelle, au début du premier mandat d'Hugo Chavez, ça a été une des choses qui a mis en place pour faire en sorte que les gens se mobilisent autour d'un nouveau projet de société. Tout à fait. L'Assemblée constituante, comme elle a été vécue en Bolivie, en Équateur, au Venezuela, c'est l'aboutissement d'abord d'une mobilisation de tous les groupes citoyens, les groupes de femmes, les groupes autochtones. Ça a duré en Bolivie, ça a été pendant 15 ans où tous ces groupes-là se sont finalement ont concentré leurs revendications autour d'une Assemblée constituante. Pour pouvoir réécrire les règles de la nation, tu sais. Ah, mais ça n'a pas empêché le président. Et finalement, quand le Evo Morales, un de leurs leaders, a été élu, la première chose qu'il a fait, il a convoqué l'Assemblée constituante et ça l'a donné une constitution qui est remarquable. Oui, mais il était le premier à pas vouloir la respecter. Il voulait faire un troisième mandat alors que la Constitution en prévoyait deux, mais il voulait pas qu'on compte le premier dans lequel il s'en est servi. C'est sûr que c'est un personnage qui était très, très estimé. Oui. Puis lui-même était conscient de la fragilité du processus révolutionnaire enclenché. Mais il a essayé, mais il l'a pas imposé. Il l'a proposé par référendum, et les gens ont dit non. Et il a accepté le verdict. C'est déjà mieux que au Venezuela où Chavez avait des comportements pas mal plus dictatoriaux. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que l'exemple de la Bolivie et même de l'Équateur. Ouais. sont plus convaincants pour beaucoup de monde que l'exemple du Venezuela. Mais tous ces pays-là ont quand même misé beaucoup sur l'extraction du pétrole et du gaz. Et on leur reproche, les écologistes leur reprochent un peu maintenant. Oui, mais... Et ils sont un peu victimes d'avoir concentré beaucoup leur économie sociale sur les gains qu'ils allaient chercher avec l'extraction des ressources principales. Et d'ailleurs, je vous cite, la Bolivie et l'Équateur ont reconnu, dans leur récente constituante populaire, le bien-vivre comme un mode de vie caractérisé par le rapport à la terre et à la nature, à l'opposé du développement de type extractiviste que l'on trouve dans les pays développés. Ces deux pays en ont fait la base de la mission de l'État, désignée comme le fiduciaire du patrimoine commun, que sont les ressources naturelles, le territoire et l'environnement, et comme le protecteur de l'intérêt collectif et du mode de vie des communautés. C'est quelque chose qu'on devrait mettre dans notre Constitution, si on en a une? Ah, ben je pense que c'est toutes ces choses-là. Puis c'est un grand... une assemblée constituante, une constitution, si elle est écrite par les politiciens et les avocats et les amis des gens au pouvoir, comme ça a été le cas de la Constitution canadienne qu'on a en ce moment, qui a été écrite par les amis de Trudeau, ça vaut pas la peine d'en faire une. Parce qu'à ce moment-là, elle est faite sur mesure pour les politiciens. T'sais. Il faut, tout l'enjeu d'une Constitution, d'une nouvelle Constitution, c'est qu'il faut qu'elle soit écrite par le peuple. Donc, il faut une Assemblée constituante dont les constituants, les membres doivent être non partisans puis doivent être désignés d'une façon qui va limiter au maximum l'influence des partis politiques pour pas qu'ils aillent mettre leur pion dans ça. Est-ce que l'Islande est un bel exemple? Comment? Est-ce que la constituante en Islande était un bon exemple? Ouais, ben en Islande, il y a eu un processus qui était intéressant parce que au départ, elle a utilisé au moins en partie le tirage au sort que moi aussi je préconise parce que une élection au suffrage universel permet aux partis évidemment de placer leurs pions, tu sais. Mais par contre, en Islande, bien évidemment, c'est un très petit pays, donc c'est un échantillon qui n'est pas toujours probant, c'est 350 000 personnes. Ensuite, le processus a été court-circuité quand même par le Parlement, qui a refusé d'admettre l'élection des constituants parce qu'ils ont dit que l'élection, le taux de participation n'avait pas été assez fort. Et quand le président les a nommés quand même un comité consultatif pour refaire réviser la Constitution, ils l'ont fait, ils ont fait une Constitution avec la population, ils l'ont fait voter en référendum, elle a été acceptée à 70% et le Parlement l'a refusée. Eh bien, on n'est pas à l'abri de ça. D'ailleurs, c'était le coup d'envoi de la réforme du mode de scrutin cette semaine. La ministre Myriam Monsef pilotera cette réforme du mode de scrutin. Déjà, on a critiqué le fait qu'il y ait 6 députés libéraux fédéraux qui en font partie, 3 conservateurs, 1 NPD seulement, 1 du Bloc, 1 du Parti vert, Elisabeth May, et qui n'auront pas le droit de vote, le Bloc et le Parti vert. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et j'aimerais avoir le commentaire de Dominique Bernier aussi, puisque c'est une promesse électorale. Semble-t-il que, pour répondre à une de vos observations, on ne votera pas de la même façon au fédéral? Ben, je pense que c'est une excellente nouvelle. Comme tu l'as dit, Jean, c'était une promesse là, de Justin Trudeau pendant les élections. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. C'est sûr que on peut s'interroger là, sur la composition du comité qui va présider, qui va mettre ces travaux-là en route. C'est sûr que c'est critiquable et ça manquera pas de l'être critiqué. Par contre, on l'espère que, dans le fond, à l'issue de leurs travaux, ça soit présenté de façon plus large en consultation auprès de la population. Et à ce moment-là, je pense que ça pourrait être intéressant de donner notre voix. On sait qu'au Québec, le mouvement Démocratie Nouvelle a fait des travaux depuis quand même plusieurs années. Fair Vote Canada aussi, à travers aussi, le Canada. Aussi, effectivement, pour faire connaître d'abord de quelle manière notre mode de scrutin est défaillant. Là, on est un des rares pays au monde qui a encore un mode de scrutin uninominal à un tour. Sa désuétude datant du 17e, 18e siècle. Effectivement. Puis, donc, c'est vraiment une avancée là, que de réfléchir sur cette question-là parce que c'est absolument pas un mode de scrutin qui est considéré comme démocratique. Mais en fait, ça, il y a un truc que moi, c'est que le premier ministre Trudeau, lui, il a vraiment mis ses billes dans le mode préférentiel, là, donc avec vote transférable. Bon, enfin, là, c'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est que l'affaire, là, c'est que stratégiquement, pour lui, c'est bon, parce qu'en tant que parti centriste, il va toujours être gagnant dans ce système-là, parce que les conservateurs, leur deuxième choix, ça va toujours être un libéral, ça sera jamais un NPD, puis les NPD, leur deuxième choix, ça va toujours être un libéral, ça sera jamais un conservateur. Tout à fait. Donc, lui, il fait vraiment la promotion de ça, là, en disant, mais en fait, de toute façon, si on fait des calculs, là, un parti pourrait avoir 10% à la grandeur du Canada et quand même se retrouver avec 0 député à la Chambre des communes. Donc, en fait, les distorsions du système actuel là, perdureraient avec ce système-là. Mais Roméo Bouchard, est-ce qu'on devra changer la Constitution canadienne? Est-ce que ce serait une opportunité justement par ce comité parlementaire-là? On en arrivera à vouloir changer la Constitution. Et tant qu'à changer la Constitution, on pourra la réécrire. Est-ce que vous voyez ça vous venir? Ou? Ben, je suis pas sûr qu'il faille changer la Constitution pour changer le mode de scrutin. Là. Je crois pas que ce soit inscrit dans les contraintes de la Constitution. De toute façon, même les provinces ont le droit de faire des constitutions, puis ils ont le droit de modifier le mode de scrutin. Ça n'est pas contre la Constitution canadienne. Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Pour moi, le problème est que le mode de scrutin, ce n'est qu'un morceau du puzzle des institutions démocratiques. Et un morceau qui, s'il est pris isolément, ne règle pas grand-chose en réalité. Une assemblée constituante qui s'attaque à l'ensemble des institutions démocratiques, c'est la solution vraiment sérieuse au problème de démocratie qu'on a. Bon, là, on veut s'attaquer à ça séparément. On a essayé de le faire au Québec. Il y a toujours eu des politiciens qui ont réussi à faire échouer le processus. Au Canada aussi, d'ailleurs, dans les autres provinces. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que ça donnera? Le NPD. Bon, moi, je suis bien content qu'on en discute. Mais déjà, on en discute uniquement en termes de partisanerie. Parce que moi, le système préférentiel, c'est pas quelque chose que je trouve si bête que ça. Mais à condition que les candidats soient désignés par les citoyens. Si les candidats sont désignés par les partis et qu'on vote pour des partis, alors là, évidemment, on demeure totalement dans la game des partis, tu sais, qui se battent pour le pouvoir. Et bon, même si on allait dans la proportionnelle, on va se retrouver avec des problèmes. On va les avoir au terme aussi, parce qu'on va se retrouver avec une Assemblée nationale beaucoup plus fragmentée. Et donc, pour former les gouvernements, on va devoir faire des compromis avec les autres formations politiques. T'sais. D'ailleurs, je croisais... Donc, c'est d'une façon ou d'une autre, tant qu'on a les partis au centre du processus et que c'est les partis qui choisissent les candidats, on n'est pas maître du processus électoral. Mais qu'est-ce qu'on fait du Sénat? Parce que je croisais notre ancien député NPD ici... Raymond Côté là, qui marchait sur la 3e avenue. On est ici à Limoilou, nous, Raymond, Roméo. Et puis je lui ai écouté, viens nous parler de la position du NPD, même s'il n'est plus député, il a travaillé. Dis-nous, en partant, il faut abolir le Sénat. Alors, dès que le Sénat n'est pas remis en cause pendant la réforme du scrutin, ben le NPD ne sera jamais là pour supporter le préférentiel ou pas. D'ailleurs, ils sont très contre le préférentiel. Ils sont plutôt pour un genre de mixte où on garde des députés géographiques territoriaux, mais qu'il y en a d'autres qui sont élus à la proportionnelle. Non, mais écoutez, si on voulait vraiment, c'est comme au Québec, là, la loi sur un scrutin proportionnel, quand René Lévesque était au pouvoir. Oui. La loi, elle est là. André Larocque peut vous la sortir. Oui, elle est dans les annexes dans ses livres, dans le dernier livre sur Au pouvoir citoyen. Sur Robert Burns. Tu sais. Oui. On n'a pas à faire 56 commissions là. Si on veut aller vers la proportionnelle, les démarches que le comité à Ottawa est supposé faire va comparer dans les autres pays. Ça a été fait des dizaines de fois. Ça a été fait des dizaines de fois. Et le projet de loi qui avait été fait, qui a été boycotté par les députés péquistes, entre autres par Marc-André Bédard en tête, qui ont fait échouer l'affaire, c'était un projet de loi qui avait suivi toute cette démarche. Robert Burns avait été discuté avec les Allemands qui ont un système proportionnel, avec d'autres aussi, d'autres pays. Tout était là. C'est parce qu'on veut pas le faire. Les politiciens n'en veulent pas. Êtes-vous d'accord avec ça, Dominique Bernier et Jean-Pierre Gay? Ben, je dirais qu'en fait, c'est certain qu'il y a une résistance au niveau politique. Puis bon, mais c'est un peu la poule ou l'œuf. Est-ce qu'on essaie de changer le mode de scrutin pour pouvoir élire des gens qui vont pouvoir mettre en place une assemblée constituante et ce genre de choses-là? Ou est-ce qu'on met en place une assemblée constituante citoyenne en espérant que le politique se rallie puis fasse changer les choses? C'est un dossier qui est... Évidemment que l'idéal, ça serait de tout résoudre en même temps, de tout repenser en même temps. Mais il y a quand même, je pense, des avenues pour le mode de scrutin qui peuvent être intéressantes, comme tu l'as abordé brièvement, Jean, un mode de scrutin proportionnel, mixte, compensatoire, qui permet d'avoir et des candidats de liste pour notre parti préféré et des candidats locaux, parce qu'ici, bon, au Québec, mais dans l'ensemble du Canada aussi, on a le défi de pas faire en sorte que le pouvoir se concentre juste dans les grandes villes, hein, parce que si on a une proportionnelle pure, Montréal va avoir pas mal de pouvoir, Québec aussi, mais les gens de la Gaspésie auront pas trop leur voix au chapitre là, quand viendra l'égalité des Alors, sexes, qu'il faut pas oublier. L'égalité aussi. Des sexes, même chose avec des candidats de liste, on peut obliger. Oui, on peut obliger l'alternance homme-femme. On oui, peut dans la liste. Dans la on liste. Descend la liste, toujours un homme, une femme. Ce qui permettrait d'atteindre la parité à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Même chose pour la représentation de personnes issues de divers groupe ethnique. À ce moment-là, on peut s'assurer qu'il y ait une représentation, une diversité, en fait, pas juste au niveau de l'ethnicité, mais à tous les niveaux, s'assurer qu'il y ait une diversité. Ça permet, je pense, d'apporter des changements qui sont intéressants, sans être, bien sûr, une panacée. Là, c'est sûr qu'il faut réformer plus en profondeur que ça. Là. La proportionnelle mixte, elle a été très, très bien étudiée au Québec. Benoît Pelletier en parle souvent parce que c'est lui qui était là quand le processus de consultation est arrivé à terme. Et encore une fois, la loi, elle est toute là. Il n'y a même pas rien. Ça ne va pas chercher de midi à 14 heures autour de la planète. Elle est toute là. Elle a été bloquée par les députés à la fois péquistes et libéraux. Oui. Parce qu'ils sont favorisés. Donc, on n'a qu'à ressortir ça. Oui. Mais c'est ça. C'est parce que le système, eux, ils veulent maintenir le système à deux parties parce que eux, ça c'est sûr que ça, à cause de l'alternance du pouvoir, ils savent qu'ils vont revenir au pouvoir éventuellement. Mais c'est parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'à un moment donné, des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Là. C'est que moi, je considère quand même qu'avoir un système proportionnel mixte, là, Monsieur Bouchard, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. C'est que vous dites, bon, ça nous prend comme un grand changement, mais des fois, le grand changement, il n'y arrivera pas d'un coup, là, le grand soir. Des fois, les petits changements, ça peut quand même être pas mal mieux que rien. Là. Si on avait une proportionnelle mixte, vous ne pensez pas que ça serait quand même une... Ben, moi, je le prendrais, si ça l'aboutissait, je le prendrais, puis ça ferait prendre conscience aux gens de beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Oui. Mais il reste que si on réduit notre analyse, comme beaucoup font, puis entre autres, Démocratie Nouvelle, c'est leur défaut, ils réduisent leur analyse des déficiences de notre démocratie aux déficiences du mode de scrutin. Ça, c'est totalement de mauvais... En tout cas, là-dessus, moi, je pense quand même que c'est parce que, bon, eux, ils se donnent un objectif. Donc, c'est sûr qu'ils travaillent pour cet objectif-là. Là. Des fois, c'est que si c'est trop ambitieux, des fois, eux, ils travaillent pour quelque chose de peut-être moins ambitieux, mais qu'ils espèrent réussir à faire. Enfin, c'est... Juste pour que ce soit concret, je pense qu'on quand on parle de mix, là, on réfère toujours au modèle que moi j'ai connu à la fondation de la DQ. Je me souviens pas en quelle année la DQ était fondée, mais je me souviens d'avoir 94. Été comme journaliste à Laval, et une des bases de leur constitution, leur statut et règlement, c'était de proposer une proportionnelle mixte, autrement dit des 75 circonscriptions électorales fédérales du temps, là, sont rendues à 78, devenaient des circonscriptions territoriales provinciales. Et les 50 autres qui restaient pour atteindre le 125 députés étaient redistribués à la proportionnelle en fonction au prorata du vote. Autrement dit, si le Parti vert voulait avoir un premier député, ou Québec solidaire à l'époque, il fallait qu'il y ait 2% du vote. 2% de 50, ça donnait un député. Donc, et d'ailleurs, il y avait aussi la parité. Donc, si le Parti vert a un premier député comme ça, mais s'il fait 4%, ben, il faut que ce soit, si c'est une femme qui est à la première sur la liste, ben, il faut que ce soit un homme à la deuxième liste. C'est d'une région différente. Donc, il y a ce genre de subtilité-là où on essaie de réparer toutes les erreurs qu'on produit depuis 150 ans dans notre système uninominal majoritaire à un tour. Et ça, est-ce que c'est encore un modèle qui serait viable aujourd'hui et qui serait peut-être facile de convaincre la CAQ, le PQ, de faire cette grande convergence avec Québec solidaire? Mais le modèle, je pense qu'il est viable, mais convaincre n'importe quel parti qui a des chances de vraiment rentrer au pouvoir, en fait, devient avoir un intérêt au statu quo. Donc, parce que même le PQ, dans les années 70, la proportionnelle, c'était dans leur programme, puis quand ils ont pris le pouvoir, on n'a plus entendu parler. Parce qu'en fait, il faut savoir que le PQ est le parti le plus favorisé par le statu quo, parce que le système qu'on a, uninominal à un tour, majoritaire, excusez, les mots sont pas dans l'ordre, mais bon tous les mots sont là. Mais souvent dans les journaux, on oublie toujours le mot majoritaire. Oui, c'est important, c'est un autre système, c'est pas majoritaire. Ben en fait, majoritaire parce que ça gonfle la majorité. C'est ce qui fait en sorte qu'un gouvernement, qu'un parti qui a eu 38% des voix peut obtenir la majorité des sièges. Donc, c'est cette distorsion-là. Et c'est arrivé très souvent, c'est arrivé à trois reprises, je crois, qu'un parti qui avait moins de voix que l'autre parti a quand même obtenu... a quand même été élu comme le gouvernement. Et c'est le PQ à qui c'est arrivé, à chaque fois que c'est arrivé. Donc, ils sont vraiment favorisés par le système actuel. Oui, juste pour vous dire, j'aimerais qu'on change le sujet parce que je sais que j'ai des experts d'OGM, là, puis là, je suis en train de manquer quelque chose. Et d'ailleurs, je veux vous dire que c'est tellement quelque chose qui préoccupe la population. C'est que la semaine dernière, ou en fait, il y a deux semaines, c'était le Festival de films pour l'environnement qui se terminait le 30 avril, où on a remis des prix. Et le prix du grand public, c'est un film qui parlait d'OGM. C'était Bientôt dans vos assiettes de gris ou de force de Paul Moreira. Il a aussi gagné le prix du film étranger, ce qui fait en sorte que l'an prochain, au Festival de films d'environnement, dont on ne connaît pas encore les dates, mais c'est toujours à la fin avril, Paul Moreira sera en ville et il sera à notre émission, c'est sûr. Et dans ce film, si vous regardez la bande-annonce sur le site du festival, vous allez voir qu'on interviewe un des représentants de Monsanto, qu'on me dit qu'il n'est plus à sa job aujourd'hui. Le docteur Patrick Moore. Le docteur Patrick Moore, le journaliste très, très bien documenté. Hein, c'est un documentariste très connu. Il a fait un film sur Julian Assange. Ses films passent au Canal+, France 2, France 3. Il écrit dans Libé comme grand reporter. Il a fait le tour du monde. Il était un correspondant à Radio France Internationale. Donc, Paul Moreira lui pose la question et dit on pourrait quasiment en boire. Oui, l'extrait est sur YouTube. En fait, tout le monde peut aller chercher Patrick Moore, M-O-O-R-E, glyphosate. C'est absolument incroyable. Là. Il dit, on peut en boire, il n'y a aucun danger. Puis là, le journaliste dit, justement, j'ai un verre ici, est-ce que vous devriez en boire? Mais là, il refuse totalement. Puis il dit des énormités en plus. Oui. C'est incroyable. Là. Donc, on écoute un commentaire de François Villerette, qui est le porte-parole de l'association Génération. François Villerette, quels sont les dangers du glyphosate? Alors, le glyphosate est une matière active qui est classée par le Centre international de recherche du cancer comme un composé probablement cancérogène pour l'homme. Il y a aussi des soupçons sur des effets perturbateurs endocriniens. Et donc c'est largement suffisant, selon nous, pour mettre en œuvre l'interdiction de ce produit au niveau européen. Mais on est sur un fond maintenant de controverses scientifiques avec une dénégation de ces effets, notamment cancérogènes pour l'homme, par l'agence sanitaire allemande, l'EFSA, l'agence sanitaire européenne. Et c'est aujourd'hui tout le fond du débat, parce que si, par malheur, le 18 mai prochain, on réhomologuait ce produit, on se retrouverait sur le marché pour 10-15 ans, avec des milliers de tonnes, rien qu'en France, d'un glyphosate qui est probablement cancérogène pour l'homme. Ça a été clairement montré par le Centre international de recherche du cancer pour encore toutes ces années. Donc là, c'est extrêmement clé, ces semaines qui viennent, pour arriver à enfin interdire le glyphosate. Ben, vous imaginez les résistances en face, sachant qu'une grande partie des pratiques agricoles est aujourd'hui sont devenues dépendantes du glyphosate, ce qui est d'ailleurs complètement irresponsable d'avoir laissé à ce point l'agriculture française dépendante d'un produit dangereux. François Lérette pour Reporter le 2 mai 2016. Donc on remercie Reporter.net. Vous pouvez aller sur le site Reporter.net qui a été fondé par Hervé Kempf, qui d'ailleurs on recommande, si vous avez aimé le livre ou si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre de Roméo Bouchard, ben je vous recommande Survivre à l'offensive des riches et le livre d'Hervé Kempf, Les riches détruisent la planète ou quelque chose du genre. Mais là, je veux avoir une réaction avant de terminer de chacun. Dominique Bernier, Jean-Pierre Gay, Monsieur Bouchard, je veux que vous réagissiez à ce glyphosate. Est-ce que ça vaut la peine d'aller marcher le 21 mai? Là? Ben, je pense que oui. En fait, le glyphosate, ce qu'il faut savoir et qui n'était pas mentionné dans l'extrait audio, c'est que c'est ce qu'on appelle communément le Roundup. C'est un herbicide systémique, en fait, qui détruit toute végétation lorsqu'il est appliqué. Et c'est un herbicide pour lequel la plupart des OGM qui ont été développés par les Monsanto de ce monde, les Bayer, Syngenta et autres multinationales de l'agro-industrie, les OGM ont été développés pour résister à cet herbicide. On les appelle Roundup Ready, c'est-à-dire prêts pour le Roundup. Donc, c'est du soya en particulier, mais pas seulement, d'autres types de plantes aussi qui sont résistants au glyphosate, ce qui fait que lorsqu'on plante ces OGM, eh bien, on peut arroser avec cet herbicide qui est hautement toxique. Mais c'est pas le seul, en fait, c'est pas le seul problème des OGM, mais c'est un des problèmes parce que on a vu une augmentation massive de l'utilisation du glyphosate depuis que les OGM sont répandus. Multiplication par 4 depuis 1996. Ce qu'il faut aussi dire, là, c'est que le glyphosate, en fait, attaque un processus enzymatique qui a cours dans les plantes, là, donc c'est pour ça que les plantes meurent. Mais l'autre chose, c'est que ce qui a été découvert depuis 2010, c'est que ce processus enzymatique-là a aussi lieu dans notre microbiote, donc dans la flore intestinale. Donc, le glyphosate affecte la flore intestinale. Puis les études récentes, en fait, lient à beaucoup de choses, des problèmes endocriniens, des problèmes, il serait potentiellement cancérigène. Même, il serait même lié à l'autisme, parce que beaucoup de neurotransmetteurs viennent de notre flore intestinale. Enfin, là, c'est un peu compliqué, mais sur le site des Amis de la Terre, on a une conférence de Thierry Vrain, où il explique toutes ces choses-là. C'est absolument fascinant et peurant aussi. Est-ce que, Dominique, c'est toi qui l'avais fait venir à l'époque? Oui, c'est moi qui l'avais fait venir quand j'étais aux Amis de la Terre. Thierry Vrain, c'était ce chercheur... À Santé Canada. C'était quelqu'un qui était pro-OGM avant. Ben, à un moment donné, il y a eu là-dessus, puis il a changé complètement son fusil d'épaule. Ça a été un lanceur d'alerte. On va l'inviter parce que maintenant, je pense qu'ils ont le droit de parler scientifique. Là. Monsieur Bouchard, en réaction à ce que vous entendez sur glyphosate, quand est-ce qu'on se fait une petite dégustation, nous autres? Hein? Non, ben, c'est sûr que le Roundup, c'est l'ennemi numéro un. Hein. Il est omniprésent, il est partout. Puis, moi, j'ai moi-même eu à différentes occasions. J'ai été voir des agriculteurs qui pendaient au vent, pas de cabine dans le tracteur. J'ai été les voir, j'ai dit, là, tu vas rentrer chez vous là pour dîner, tu vas prendre tes enfants sur toi, là, t'as rendu compte de comment tu peux les empoisonner, tu sais. Alors, c'est vraiment... on en a fait un produit qui est pas dangereux dans la tête des gens. À la tête des agriculteurs, c'est totalement faux, on le découvre de plus en plus. Et il est partout, et il est couplé avec les OGM en plus. Mm-hmm. Donc, il fait partie de toute la stratégie des grandes multinationales pour mettre la main sur, contrôler l'ensemble de la production alimentaire sur le globe. T'sais? Donc, détruire la biodiversité, détruire les souverainetés alimentaires locales. C'est une machine totalement infernale. Donc, et quand on disait tantôt que le problème de rareté alimentaire dans les décennies qui viennent va se poser de façon dramatique, et la perte de la biodiversité, on est en plein dans le drame, là. Il faut aller marcher. Donc, Jean-Pierre, donne les détails pour que M. Bouchard vienne marcher avec nous. En fait, c'est le 21 mai à 14h à Place Diouville à Québec. Ouais, il y a des marches aussi. J'ai fait beaucoup de publicité sur ma page Facebook. Ah, bon, mais c'est bien. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils allaient y aller. Vous allez être présents virtuellement. Merci beaucoup, Roméo Bouchard, d'avoir été si généreux. Là, je pense que vos plantes biologiques vous attendent chez vous. Là. Ah non, il n'y a pas de problème. Hein, la terre est patiente. On ne le dira pas à personne qu'en cachette, peut-être que vous mettez du Roundup chez vous. Là. Ou vos voisins en ont. Fait que peut-être qu'il y en a Mes chez voisins, vous. Mes voisins, peut-être. Oh, c'est ça. Mais merci beaucoup de votre générosité. À la prochaine. On se reparle jeudi au 8e continent. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, en terminant, je voulais quand même parler de Dominique Lamontagne, La Ferme Impossible. Il sera conférencier au projet Écosphère. Pour ceux qui ne savent pas encore, le projet Écosphère, qui est une grande foire environnementale, se déroulera vendredi 27 mai, 28 et 29 mai, le samedi matin. Alors, samedi après-midi à 13h, pour aller voir Dominique Lamontagne, auteur de La Ferme Impossible, en pleine gueule, au-delà de La Ferme Impossible. Il nous en parlera. D'ailleurs, son livre qui porte aux éditions Écosociétés, qui porte ce nom, vous sera plus expliqué au 8e continent jeudi prochain, car on l'aura ici à CKRL avec Roméo Bouchard. Merci beaucoup. N'oubliez pas de venir marcher avec nous. Merci Dominique Bernier. Merci Jean-Pierre Gay. Merci à toi. Merci Jean. Au revoir. Et j'avais le goût de vous mettre un petit bout de musique, là, des cons qu'on mérite. Les politiciens qu'on a, les politiciens qu'on a, les politiciens qu'on a, les politiciens qu'on mérite, les politiciens qu'on a. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy.